un des meilleurs amis de Bouffe. Travailler avec Bouffe. Agnès, Jeanne Binet et Courtille. Vous voyez Agnès, Jeanne Binet et Courtille. Ça se trouve. Je sais que c'est un peu. Yeah, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.